La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Homme augmenté, technologie du numérique, transhumanisme, intelligence artificielle ou modification génétique, nous sommes entrés de plein pied dans une époque qui ressemble beaucoup à ce que la science-fiction avait imaginé pour le futur de notre humanité. Au milieu de ces bouleversements, quelle est la place pour la réflexion, pour l'éthique et pour le recul? Et si un bug nous prenait de court, effaçait toutes nos données, si les machines perdaient le contrôle et provoquaient des tragédies, qui serait responsable? Pour parler de ces mutations profondes, je suis donc dans un instant avec le dessinateur Enki Bilal et le physicien Alexei Greenbaum. Ils répondront dans un instant à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Le feu qui ravage et qui détruit après les événements de cette nuit à Notre-Dame de Paris, la une de la science s'intéresse à ce sujet aujourd'hui. Et oui, ce feu contre lequel on doit se battre et l'apport de la science dans ce combat. On reçoit le directeur du groupement de recherche feu du CNRS, Paul-Antoine Santoni, dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée cette semaine aux troubles du déficit de l'attention. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bug numérique, robot maléfique, dossier donc dans un instant pour parler des conséquences des technologies qui nous entourent et pour en discuter. Enki Bilal et Alexei Greenbaum, bonjour à vous deux. Bienvenue. Enki Bilal, demain sortira le deuxième tome de Bug, un album dans lequel la société déraille suite à la disparition du monde numérique. Toutes ces technologies qui se sont intégrées à une vitesse fulgurante finalement à nos vies. Que se passerait-il justement si un jour tout disparaissait en raison d'un bug généralisé? Vous êtes posé la question. On feint de l'ignorer, nous, d'ailleurs, en utilisant ces outils. Hein. Oui, on veut pas voir. Mmh. On est dans une addiction qui procure du plaisir. Hein. On découvre, on est fasciné. Les modèles, ne serait-ce que des téléphones, changent régulièrement. C'est une compétition. Hein. Les pixels, les photos, les appareils photos vont disparaître. Hein. On va tout faire maintenant avec son téléphone portable. Donc on est effectivement, on ne voit pas. Alors peut-être que on sait aussi quelque part que le bug tel que moi je l'imagine ne peut pas arriver. Pourquoi ? Parce qu'il est extrême. J'ai du mal à croire qu'on puisse tout disparaître comme ça en une fraction de seconde et sur une durée assez longue. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, de la fin, que je ne dévoilerai pas aujourd'hui, mais la fin qui interviendra au bout du cinquième volume, je pense qu'il y en aura cinq, est une fin qui me met tout à fait à l'abri de toute critique du monde, du numérique et des geeks et des gens qui savent. Ouais. Parce que là, qu'elle sera totalement imparable, ma fin. Voilà. Oui, parce que là, on est dans un avenir proche, hein. C'est 2041, donc finalement, c'est demain. Et ce bug dont on avait beaucoup parlé au moment du passage à l'an 2000. Oui. Mais qui était. C'était rien, c'était dalle. On n'avait pas tous ces outils, hein, justement, à l'époque. Et donc, évidemment, c'est intéressant de voir quelles seraient les conséquences. Et vous les envisagez nombreuses. Hein, absolument, mais ce n'est pas du tout réaliste. Parce que si un bug comme ça arrivait, et si je le traitais, si on se posait la question de ce que se passe-t-il une fois que c'est arrivé, ce serait le chaos. Ouais. C'est le chaos qui arrive en 24 heures, 48 heures. Ah, oui. Et moi, je ne parle pas de ça. Les gens continuent à vivre, essaient de s'organiser. Parce que c'est une fable et que... Voilà, ouais. Enfin, il y a quand même toute une désorganisation de la société, Total, des avions qui se crachent, enfin voilà, c'est mais quand même... Le facteur humain, l'homme n'est pas encore un loup pour l'homme. Ouais. Il ne le sera pas forcément dans cette série-là, mais on imagine ce qui peut arriver lorsque... Absolument. Ouais, dans la réalité, dans le réel. Ouais. À côté de ces outils, il y a de l'humain, évidemment, incarné par votre personnage principal et par sa fille en particulier. Alexei Greenbaum, vous êtes physicien et philosophe, vous publiez, vous, Les robots et le mal, aux éditions Des clés de Brouwer, un livre dans lequel vous posez la question de la responsabilité des machines, justement, à un moment où, on le voit bien, elles acquièrent elles aussi de plus en plus d'autonomie. C'est un vrai sujet de réflexion aujourd'hui pour l'éthique, ça ? Oui, et le vrai sujet pour moi, c'est la responsabilité partagée entre les hommes et pas entre les machines. Justement, comment soustraire les machines au jugement éthique ? Parce que les machines ne sont pas des agents moraux, ils ne connaissent pas le bien et le mal que nous, les hommes, connaissons. Oui. Donc, comment faire ? Comment vivre avec ces machines ? Tout en sachant que ces machines font des choix, ces choix nous paraissent comme des choix éthiques, mais ils ne le sont pas. Ouais, mais la vraie question, elle se pose à l'humain, alors, finalement. Tout à fait. Voilà. Comment faire, donc comment programmer ces machines, comment écrire le code pour que la question reste, la question éthique, reste purement humaine, la question de la responsabilité aussi, et peut-être aussi pour les bugs, justement, les bugs, ce qu'on n'a pas prévu, tout ce qu'on n'a pas eu l'intention de voir se produire. Ces affaires seront à gérer par les utilisateurs, par les humains, par les concepteurs, mais les machines en elles-mêmes ne sont pas des agents moraux. Ouais, il faut remettre les choses à leur place. Justement, il en va de notre responsabilité. On va en parler ensemble dans un instant et vous répondrez donc aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Lorsqu'on apprit que la cathédrale de Reims était en flammes, le monde entier s'émut. Car on sentit que la beauté avait diminué sur la terre. Voilà l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914, raconté par l'historien Émile Mal en 1938 à l'occasion de la fin de sa restauration. Cette phrase, hein, la beauté qui a de nouveau diminué sur la terre, et bien hier aussi avec cet incendie gigantesque à Notre-Dame de Paris et ce feu destructeur à la une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, une grande partie de la charpente et des toitures de la cathédrale sont parties en fumée et en cendres hier en quelques heures. Et c'est le processus physico-chimique, cette réaction de combustion qui va nous intéresser à la une aujourd'hui. Son étude, c'est le quotidien de nombreux scientifiques qui essayent de comprendre le feu et les incendies pour aider ceux qui s'occupent de les éteindre. Pour en parler, nous recevons par téléphone depuis la Corse Paul-Antoine Santoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme et du groupement de recherche feu du CNRS. C'est 9 laboratoires en France qui travaillent sur les thématiques de recherche liées au feu et aux incendies. Comment vous-même avez-vous réagi hier en découvrant les images de cet incendie gigantesque à Notre-Dame de Paris? Mais tout d'abord, une profonde tristesse, hein, de voir cet édifice qui s'enflammait, et puis en même temps une stupéfaction de voir un phénomène d'une telle ampleur. On voyait des flammes qui étaient assez gigantesques par rapport aux pompiers qui étaient en train de lutter. Donc je l'ai vécu par la télévision, tout simplement, n'étant pas sur place. Et j'étais, oui, on peut dire impressionné par la taille, en gros, du feu. Alors, on a beaucoup entendu parler hier du bois de la charpente de Notre-Dame, surnommé la forêt. C'est 210 tonnes de bois de chêne datant du XIIe siècle. Est-ce que c'est vraiment ce qui brûle le mieux, le bois bien sec, comme ça? Alors, le bois est un combustible. Je dirais que c'est pas le meilleur, hein. Il y a des combustibles qui brûlent beaucoup mieux que le bois. Malgré ce qu'on peut penser a priori, le bois est quelque chose qui conduit le feu, c'est vrai, mais c'est en même temps un élément qui est très résistant au feu, au sens où il met du temps à brûler. Il carbonise sur sa surface extérieure, et le fait de créer cette couche de charbon va généralement ralentir en fait le processus de réchauffage à l'intérieur du bois, qui fait qu'il va limiter sa transformation en gaz, sa dégradation. Donc le bois brûle, c'est vrai, mais c'est un matériau qui brûle relativement lentement, surtout lorsqu'il est sous forme de grosses poutres, comme c'était le cas, et plus lentement que d'autres combustibles. Alors si on va à l'origine du phénomène, c'est le feu, c'est cette combustion, cette réaction chimique. Qu'est-ce qui se passe dans la structure, la matière du bois, qui peut expliquer et qui permet de comprendre cette combustion? Alors en fait, le bois est un matériau qui est dit braisant, c'est-à-dire que sa combustion se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, sous l'action d'une source thermique qui peut être soit du rayonnement, un peu comme on va dire un rayonnement solaire, mais plus intense, soit sous forme d'un préchauffage qui serait sous forme de gaz chaud. Bien, il va se chauffer. Alors s'il a de l'eau, il va d'abord vaporiser cette eau interne. Puis après avoir vaporisé cette eau, il va se dégrader, donc se transformer en gaz. Et une partie de ces gaz qui sont émis sont des combustibles. Et ce sont ces gaz qui vont former une flamme lorsqu'ils se mélangent avec l'air. Une fois qu'il aura émis tous ces gaz, il va rester une couche de charbon. Et cette couche de charbon va brûler dans un deuxième temps. Elle va être oxydée, c'est-à-dire que l'oxygène va venir au contact des charbons créer du dioxyde de carbone. Mmh. Donc il y a deux étapes en fait, mais l'étape de carbonisation, enfin de brûlage des résidus charbonneux pour une poutre se fait en surface, ce qui fait que les deux phénomènes peuvent se produire simultanément puisque le charbon qui a pu se créer en surface va brûler, alors que le matériau qui est à l'intérieur, lui, ne va pas encore s'être dégradé. Quoi. C'est pour ça que lorsque les structures sont épaisses, elles brûlent en un temps différent. Quoi. Et quand on cherche à l'éteindre, le feu, ce qu'ont fait les pompiers pendant des heures hier, quel est l'objectif de la manœuvre ? À quel moment de ce que vous venez de décrire, on intervient ? Bon, l'idéal, ce serait d'intervenir dès le début, bien sûr, hein, c'est-à-dire dès la première flamme. Après, ben, une fois que le sinistre est déclaré, qu'il s'est avancé, on essaye de l'éteindre. Alors, il y a plusieurs étapes, hein, bien sûr. Lorsque les pompiers interviennent, la première étape, c'est d'évacuer les personnes, et puis de circonscrire le feu, de limiter surtout les fumées qui sont un élément qui peut être important pour les personnes, pour protéger les personnes. Et après, on agit dessus par des moyens d'extinction, comme c'était le cas hier avec de l'eau. Et l'eau pour le bois, c'est vraiment le meilleur extincteur alors ? Ben, disons que c'est la meilleure solution. Alors, suivant les matériaux, il y a des techniques différentes d'extinction. Pour ce qui concerne le bois, la technique la plus appropriée, c'est l'eau. Elle a un rôle, elle a plusieurs actions en quelque sorte. Elle va d'abord refroidir le matériau lorsqu'elle arrive à l'atteindre, le mouiller, on parle de mouillage du bois. Donc elle va refroidir et l'empêcher justement de se dégrader, c'est-à-dire de se transformer en gaz. Elle va également faire un effet de tampon, puisque il va falloir que la chaleur qui est autour du bois réchauffe à nouveau cette eau qu'on a amenée pour la vaporiser pour à nouveau atteindre le bois. Donc elle va en gros le protéger. Et puis elle va aussi, grâce à son pouvoir d'évaporation, inerter, c'est-à-dire empêcher finalement l'oxygène de l'air d'atteindre les gaz ou le charbon. Et donc cet inertage va participer aussi de l'extinction. Donc il y a trois propriétés pour l'eau dans ce type de sinistre. Paul-Antoine Santoni, est-ce que l'étude après coup d'un incendie comme celui d'hier peut amener à de nouvelles découvertes ou peut aider à combattre les suivants ? Est-ce que vous, avec vos équipes de recherche, vous allez vous pencher sur le cas de cet incendie, par exemple ? Alors, c'est un incendie, comme ils sont produits assez rarement, et bien évidemment, j'imagine que les pompiers qui sont intervenus, donc la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, va faire comme toujours un retour d'expérience sur cet incendie, c'est-à-dire est-ce que les techniques utilisées peuvent être améliorées, sachant que on fait de plus en plus de progrès et peut-être qu'il y a des choses à apprendre là aussi. Et bien évidemment, si on est saisi de nouvelles problématiques, on sera en réponse à présent, bien sûr, pour aider les pompiers à les développer. Bien évidemment, pour tout sinistre, il y a toujours un retour d'expérience qui permet d'améliorer encore les choses ou bien de conforter des méthodes d'intervention. Merci beaucoup en tout cas Paul-Antoine Santoni, vous êtes directeur du groupement Feu donc au CNRS et vous nous parliez depuis la Corse. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi. Oh mon oiseau blessé, et cela sans savoir, où le garde passé, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux aussitôt mourut. Il n'y a pas le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit, non plus à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour une air de guitare. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour heureux, c'était Youssou N'Dour. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, bug numérique et robot du mal au menu de notre tête au carré cet après-midi avec mes invités, le dessinateur, peintre, scénariste et auteur Enki Bilal, à l'occasion donc de la sortie demain du deuxième tome de Bug, un album qui paraît chez Casterman, dont on a appris qu'il y aurait en fait 5 numéros a priori, si tout va bien. Oui, c'est ce que je vois d'ici en fait. Mm-hmm. Le rythme des deux premiers m'amène à penser qu'il y en a encore 3 pour monter en puissance et conclure. Alexei Greenbaum, physicien et philosophe, chercheur au CEA, spécialiste des fondements de la mécanique quantique. Vous travaillez sur les questions éthiques justement posées par les nouvelles technologies et vous êtes membre de la CERNA. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, c'est la Commission nationale d'éthique pour la recherche en numérique, donc ouais. Créée par tous les organismes de recherche en numérique, et on espère que sur le plan national mais aussi à l'international, on a un mot à dire sur l'avenir du développement des technologies numériques. Et vous publiez Les robots et le mal, hein, donc aux éditions Des clés de Brouwer, et les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Enki Bilal le disait tout à l'heure, le bug tel qu'il l'a imaginé justement dans son album ne pourrait pas exister aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la disparition des données comme ça quasiment d'un instant à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que c'est un scénario tout à fait probable ? Ouais, je pense que peut-être cette catastrophe totale où tout disparaît d'un coup ne se produira pas, mais Pour autant, il y aura sans doute des bugs, il y aura sans doute de l'imprévu, il y aura des erreurs, il y aura des problèmes. Et c'est le propre des technologies. Les technologies ne font pas que du bien. Il y aura aussi des conséquences qu'on n'appréciera pas nécessairement. Et donc pour moi, la question, ça n'est pas de comment faire des technologies bienveillantes, uniquement pour le bien de l'humanité, mais vraiment de se projeter dans cet avenir où il y aura du bien et du mal, et de savoir comment on peut vivre avec ces technologies, ne pas les conduire à la déchetterie, ne pas les jeter à la poubelle tout en sachant qu'il aura du mal. Ouais, mais les scientifiques réfléchissent à des scénarios possibles de grands bugs généralisés comme justement dans l'album d'Enki Bilal ? Aussi. Les scientifiques pensent aussi à ces grandes catastrophes, la catastrophe peut-être climatique ou les catastrophes avec les réseaux qui soutiennent notre vie quotidienne, les réseaux électriques ou Internet. Tout cela est à l'étude aussi. Mais moi, je m'intéresse plutôt à des problème circonscrit, petit bug, pas à l'échelle planétaire, mais qui, pour l'utilisateur, pour les utilisateurs que nous sommes tous, sont tout aussi importants. Ouais, parce que là, c'est vraiment le méga bug, Enki Bilal, on le disait tout à l'heure. L'obscurité, l'obscurantisme direct, voilà. Ouais, et l'humanité est dans la merde, pour situer. On peut le dire, sans être grossier, je crois. Mais c'est le chaos, c'est le chaos total. C'est le chaos, mais ça, je ne le dessine pas et je ne le montre pas. Je l'évoque dans quelques double page où on voit des images de villes, des villes aériennes, etc. Où j'évoque effectivement qu'il y a des centaines de milliers de bloqués dans des ascenseurs. Donc les hôpitaux ne fonctionnent plus, la robotique ne fonctionne plus, les avions en vol en 2040 ils seront tous archi numériques, il n'y aura pas de pilotes donc ils s'écrasent. Voilà, donc il y a un impact violent dans les premières heures du bug. Et après, bon, moi j'amène des éléments qui détendent un peu l'atmosphère avec ce milliardaire, par exemple, qui est en lévitation, qui est coincé en lévitation au-dessus de Central Park, Bon. Ça ne peut pas arriver, mais pourquoi pas. Ouais, mais ça fait penser beaucoup justement à ceux qui auront probablement les moyens de s'offrir des technologies innovantes dans le transhumanisme, par exemple. Voilà, absolument. Pour augmenter le corps. Exactement. C'est ça, c'est le début du transhumanisme. Je cite Kurzweil, d'ailleurs, je le fais même parler, j'ai pris cette liberté. J'ai calculé son âge, donc ça veut dire qu'il va encore vivre très longtemps, puisqu'il le souhaite. C'est son rêve le plus cher. Ouais. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur les inventions extraordinaires que l'on fait, en voulant être bienveillant, même lorsqu'on veut être que bienveillant. Et là, si Paul Virilio était là, il le dirait, comme il le disait de manière toujours magnifique, il dirait que chaque nouvelle invention invente aussi l'accident qui va avec. Donc il y a toujours l'aspect noir. Les deux faces, finalement. On est sur le fil du rasoir, et ce qui a été pensé pour le bien peut finir de l'autre côté, et ça peut faire très mal. C'est le propre, finalement, de la science et de ses créations, Alexei Greenbaum? Oui, tout à fait. Et c'est rarement pensé dans ces termes-là par les scientifiques et par les innovateurs technologiques. Mm-hmm. Il y a quelques années, j'ai participé à l'École normale supérieure à un groupe de réflexion sur la catastrophe qui s'appelait 2040. C'est une coïncidence. Ah ben voilà. Ouais. Là, c'est 2041. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est important, c'est justement de se demander, du point de vue du concepteur, du point de vue de l'ingénieur, y a-t-il des solutions, y a-t-il des choses à faire ici et maintenant, aujourd'hui, sans attendre que ces bugs, ce problème arrive. Mm-hmm. Parce que oui, il y aura des problèmes. Et je suis quand même assez inquiet quand je vois les instances politiques européennes ou autres nous parler de tout le bien que les technologies vont amener dans la vie. Et mm-hmm. oui, bah d'accord, nous sommes d'accord, il y a beaucoup de choses très utiles, beaucoup de fonctionnalités mm-hmm. utiles que ces technologies nous apportent, mais comment gérer demain ces problèmes? Et ce sera trop tard pour que le concepteur se pose cette question demain. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il faut que des solutions pour le concepteur existent aujourd'hui et pas demain. Demain, ce sera trop tard. Justement, Kibila, dans Bug, il y a tout ça. Hein. C'est la rupture brutale avec nous-mêmes, avec aussi notre arrogance. Vous parlez d'être décérébrés, dépendants au progrès dans leur totalité. Et voilà ce qui arrive finalement. Hein. Oui, une forme de cécité qui finit par s'installer. On est pris dans un flux. Alors ça impacte forcément un certain nombre de générations, la nôtre en fait, peut-être celle encore qui vient après nous. Il faut espérer que ceux qui auront 20 ans en 2040, ils auront peut-être une sagesse, ils auront appris à vivre avec ce monde numérique, et peut-être qu'ils auront ce que vous espérez, cette espèce de capacité à... Ça, c'est... Pour une fois que je suis optimiste... Oui, je veux dire, profitons-en. Voilà, laissez-moi profiter de ce moment. donc voilà, moi je me dis simplement qu'on vit... on n'est pas les plus qualifiés pour gérer ça. Voilà, on est trop pris par la maîtrise de cet outil, qui nous prend beaucoup de temps. Alexei Greenbaum. C'était même la question que je me suis posée. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, en 2040, je ne sais pas qui seront ces gens. Enfin, je ne sais pas comment ils vont penser, aussi bien que nos parents, il y a 40 ans, ne savaient pas tout à fait que nous allions utiliser les smartphones tout le temps. Alors, si je ne sais pas comment ils seront ces gens, est-ce que je peux quand même en dire quelque chose? Et là, je me suis dit, voilà, il y a une méthode pour penser ces questions, c'est que les motifs fondamentaux qui sous-tendent les interrogations qu'ils auront après, ce seront les mêmes que pour moi. La nouveauté, que fait la nouveauté? Que fait la irréversibilité pour la pensée éthique? Et ces motifs fondamentaux, contrôle, perfectionnement, nouveauté, se répètent de génération en génération. Oui. Voilà. C'est l'histoire des techniques et des technologies, hein, ça, et vraiment. Et c'est comme ça que j'essaie de mener cette réflexion sur l'éthique de nouvelles technologies. Évidemment, nous sommes dans l'incertitude par rapport à 2040, mais il y a des motifs qui se répètent, qui sont récurrents, et ça nous permet de réfléchir. Ouais. Alors, il y a plein de thèmes dans vos deux ouvrages qui sont passionnants. On pourrait en parler d'ailleurs des heures. Je vois la pendule qui avance avec horreur. En tout cas, il y a un thème central aussi, Kibila, c'est celui de la mémoire et des données, parce que c'est vraiment au cœur aussi de Bug. Pour l'illustrer, on va écouter un extrait d'Ex Machina en 2014, ce film d'Alex Garland. Magnifique film. Tu développes une IA? Je l'ai déjà développée. Et le logiciel? Le pari que tu vas deviner. Blue Book. Qu'est-ce que j'en ai bavé? On rêvait à ce qu'une IA interprète et reproduise les expressions du visage. Tu sais comment j'ai réussi? Chaque téléphone portable, ou presque, a un micro, un appareil photo et de quoi transmettre des données. J'ai donc allumé la totalité des micros et appareils photo à travers cette putain de planète. Et j'ai renvoyé les données à Blue Book. Des ressources infinies d'interactions entre la voix et le visage. T'as piraté les portables du monde entier? Ouais, et tous les fabricants le savaient d'ailleurs. Mais ils ne pouvaient pas m'accuser sans reconnaître qu'eux-mêmes en faisaient autant. Il y a un truc con avec les moteurs de recherche. C'est comme trouver du pétrole dans un monde qui n'a pas inventé le moteur à explosion. Trop de matières premières. Personne n'a su quoi en faire. Mes concurrents n'ont eu qu'une obsession, récupérer un max de données et faire du fric via les réseaux sociaux et le commerce en ligne. Pour eux, les moteurs de recherche sont une grille de lecture de ce que pensent les gens. Mais c'est en fait une grille de lecture de la façon de penser des gens. Voilà, Enki Bilal et Alexei Greenbaum, tous les deux, j'imagine que vous avez envie de réagir, parce que la question des données et de la mémoire, hein, elle est vraiment au cœur aussi de ces problématiques, hein, qui nous concernent. Oui, la mémoire, parce que on fait confiance, sans même en être conscient, à ces machines. On se dit, voilà, ils sont là pour nous aider. On va stocker des informations, on va stocker des données, ces numéros de téléphone, déjà, par exemple. Moi, je me souviens très bien qu'il y a 10, 15 ans, je connaissais plein de numéros par cœur. Ouais. Ou alors j'allais chercher dans le calepin le filofax, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'avais le filofax. Là, maintenant, comme tout le monde, je connais deux numéros, le mien et celui de ma compagne, par exemple. Ouais. C'est tout, ça s'arrête là. Et donc ça, c'est le grand danger, il est un peu là. Déjà que nous vivons une forme de période où il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un déficit de transmission qui est dû en partie, ce que je disais tout à l'heure, au temps qui est pris par ces outils numériques auprès des gens qui ne le maîtrise pas. C'est-à-dire toute une génération qui a été obligée de se mettre au courant, de prendre le train en marche, au risque de, sinon on risquait de rester sur le bas-côté. Et tout ce temps-là n'a pas été mis à profit pour transmettre un certain nombre d'informations aux enfants. Et ça, j'ai l'impression que là, il y a un déficit qu'on va payer assez cher, parce qu'il y a une part de la mémoire du XXe siècle, par exemple, qui s'effrite. J'ai ce sentiment-là, en entendant des jeunes parler de la Shoah sans savoir ce que c'est, par exemple. C'est un exemple extrême, mais quand même, il est sidérant. Mais est-ce que là aussi, ça peut être une affaire de génération ? Qu'à chaque génération, il s'est produit exactement la même chose ? Platon disait, l'invention de l'écriture, c'est horrible parce qu'on ne va plus apprendre par cœur des poèmes. Ouais. Mais ce que vous dites est fondamental. La réalité n'est pas la même. Oui, la réalité n'est pas du tout la même. Non, mais je suis d'accord, parce que la question de la vitesse est fondamentale. Il est complètement illusoire de penser qu'on peut apprendre au machine, de reconnaître le bien et le mal dans notre sens, de comprendre comme nous comprenons les choses. Les machines ne peuvent pas le faire. Ça, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Voilà, mais comment faire dans ce cas-là ? Il faut ralentir, il faut introduire des délais, donc l'utilisateur ne pourra pas réagir spontanément trop vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai écrit il y a quelques jours dans un journal national aussi, il faut par exemple qu'on puisse liker ou partager une information, mais avec un délai. Pas spontanément, pas tout de suite. La vitesse est fondamentale. Mais Alexei Greenbaum, ce que souligne aussi Enki Bilal, c'est l'externalisation de notre mémoire aussi. C'est-à-dire que finalement, celle que nous avons dans notre cerveau, on la délègue à des outils, à plein de machines. C'est un muscle qui ne travaille plus. Et aussi un élément inhumain qui vient là-dedans. Comment ? Enfin, quel élément inhumain ? On pense que les données nous décrivent nous, mais en fait, quand la machine lit ces données, elle peut y trouver des choses tout à fait inhumaines que nous n'y trouvons pas. Si la machine regarde un million de photos des lions, elle va apprendre toute seule ce que c'est qu'un lion. Mais si vous lui montrez ensuite une photo de la savane, elle va vous dire que c'est un lion. Tandis que l'homme ne va pas se tromper. L'homme ne dira pas que c'est un lion. Vous voyez, la machine, donc dans Ex Machina, je vous rappelle, quand le geek demande à la robot Eva ce qu'elle va faire dans une grande ville si elle pouvait passer sa soirée dans une ville, elle dit je mettrai à une intersection animée pour observer les gens. Mais aucun être humain ne ferait ça, ne passerait sa soirée à observer les gens dans une ville. Ouais. D'ailleurs, il y a la citation dans le premier tome de Bug, c'est « Un geek ne vieillit pas, il se met à jour ». Citation d'un anonyme que vous nous offrez. C'est très drôle. Enki Bilal. L'idée très chouette finalement aussi de Bug, c'est que toute cette mémoire du monde qui disparaît se retrouve dans un seul cerveau. Alors évidemment, ça donne un enjeu terrible à l'affaire. Absolument. Donc c'est vraiment là, on est là dans l'irrationnel total, puisqu'on le comprend très vite dans le deuxième volet. Que finalement c'est la bestiole qui est dans c'est le bug, le bug de deux sens, de l'insecte qui est dans le corps de cet astronaute qui revient de Mars, qui est en fin de compte une espèce de disque dur, à la fois organique et en même temps technologique. C'est vraiment un alien absolu, et c'est lui qui finalement renferme à aspirer toute la connaissance du monde, tous les fichiers du monde, tous les numéros de téléphone du monde, tous les codes secrets nucléaires du monde. Enfin bon, bref, c'est terrifiant. Et ce personnage prend conscience que finalement, il est Dieu. Il a une puissance incroyable. Il n'a pas encore tout à fait pris conscience. Et il est recherché absolument partout. Il va l'être, évidemment. On aimerait bien pouvoir le retrouver pour remettre la main sur ces données. Alexei Greenbaum. Et pour moi, ce petit bug, c'est justement la métaphore de ce qu'il y a de l'inhumain dans la machine. Et ça, on l'oublie très souvent, que la machine n'est pas à notre image. Ouais. Bernard nous dit sur franceinter.fr, pourquoi Enki Bilal n'a-t-il pas réfléchi au plus gros bug qui pourrait arriver? L'effacement de toutes les mémoires, suite par exemple à une tempête magnétique qui impliquerait beaucoup plus de remise en cause de notre société, plus de système bancaire, plus de riches, et même plus de programmes ni outils pour réapprendre à programmer. Bah c'est ça, votre scénario. C'est, hein. bien sûr. C'est exactement ça. Hein. Bien sûr. Alors il y a des moi je prends des libertés, bien sûr, l'hertzien continue d'exister pour communiquer, mais ouais. L'hertzien, il n'y a pas de numérique dedans, donc c'est clair. Les données bancaires ont disparu, tout a disparu, c'est un assèchement total. Ouais. Alors il y a aussi toute la question de l'addiction hein, à ces outils finalement, et à ces vagues de suicides, hein, parce que les hôpitaux aussi enregistrent vraiment des cas de désorientation des humains, et ça c'est quelque chose aussi de très important, parce qu'on le voit bien à notre échelle aussi, hein, on vit déjà ça aujourd'hui. Absolument, hein. Ça je n'ai pas inventé, j'étais cherché dans des documents, j'ai vu qu'effectivement les jeunes qui sont totalement addicts au numérique finissent par ne plus voir la réalité. Citer l'exemple de jeunes japonais, par exemple, qui arrivaient à l'âge de 25 ans, étaient vierges parce que finalement ils n'avaient jamais osé toucher la peau d'une fille en vrai. Ils étaient dans une espèce de monde fermé sur le numérique et le monde réel n'existe pas. Ouais, la santé mentale des populations liées aux outils technologiques ou aussi. L'évolution des normes, l'évolution de par exemple avec les applications de rencontres en ligne, effectivement, la sexualité des adolescents, l'expérience sexuelle diminue. Donc on voit des choses assez incroyables arriver. Mais pour moi, philosophiquement aussi, enfin ça c'est une question psychologique que nous venons d'évoquer, mais philosophiquement, pour moi, la question centrale est celle du double mimétisme. Bien sûr, les machines nous imitent parce qu'elles parlent notre langue, etc. Mais aussi, nous imitons les machines. Nous nous mettons en relation avec les machines et nous adoptons leurs valeurs. Et c'est ce double mimétisme, double imitation qui est bien plus formidable et bien plus effectif, efficace pour changer nos vies que toute histoire de concurrence, ouais. qui va vaincre qui, etc. Non, c'est pas la concurrence, c'est l'imitation mutuelle. Ouais. Et nous, humains, on est en plus capables d'aimer les machines. De tomber amoureux des machines, de les trouver magnifiques. En plus, on les fait, des petits robots japonais, etc. Les petits chiens. Très humanoïdes. C'est même inévitable, même si vous savez que c'est un robot. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a de l'émotion qui peut se créer, effectivement, et de l'empathie par rapport à la machine. C'est pour ça que informer l'utilisateur qu'il s'agit d'un robot n'est absolument pas suffisant. Ça ne change rien. Il va quand même tomber amoureux. Ouais. Alors, en fait, cette année, les 30 ans du web, quand même, on en a beaucoup parlé aussi dans l'émission. Et oui, déjà 30 ans, effectivement. Et alors, vous imaginez, Enki Bilal, qu'on repart de zéro, avec le retour au papier et à l'encre, justement. Il y a un passage assez marrant des tweets influenceurs qui se retrouvent au chômage et qui sont obligés d'écrire pour la première fois de leur vie sur du papier. En faisant des fautes d'orthographe, voilà. Ils n'en font pas trop, mais au début, effectivement, c'est ce retour. Alors, c'est évidemment, c'était pas du tout le sentiment, c'était mieux avant. Je suis pas du tout à ce niveau-là. Ouais. Mais il est évident, il est amusant de se rendre compte qu'à un moment donné, les vieux qu'on est en train de mettre sur le coin de la route, finalement, vont nous servir. Si un bug comme ça arrive, on va avoir besoin d'un vieux pilote, d'un vieux chirurgien qui, même s'il tremble encore, réussir avec un bistouri à opérer, alors que le robot est totalement incapacité, il ne peut plus rien faire. Donc, il y a beaucoup d'humour aussi et de légèreté, parce que le sujet étant tellement dur. Absolument, il y en a plein dans cet album. Il y a ce milliardaire qui, lui aussi, se met à son journal, parce qu'il est en lévitation. Il n'a plus que ça à faire. Ouais, voilà, exactement. Donc, il écrit l'expérience de sa lévitation. Ça, ce journal, je vais l'écrire moi-même, donc il va être à côté du récit. Absolument. Et le voyage martien, est-ce qu'il va revenir d'ailleurs ou pas dans les futurs albums? Parce que qu'est-ce qu'il est allé faire sur Mars, votre personnage, là, exactement? J'ai choisi aussi la date de 2040 parce que c'est plausible d'imaginer que les premiers vols se feront dans ces dates-là. Mm-hmm. Donc c'était une mission tout à fait scientifique, c'était sans doute une des premières. Ouais. Et voilà, c'était... Mais aller sur Mars, est-ce que c'est pas aussi une façon de préparer le futur de l'humanité vers un ailleurs, vers une autre terre à conquérir? Moi, l'idée, je l'aime beaucoup. Je suis un grand fanatique de la conquête spatiale. Je trouve ça une des plus belles épopées humaines que l'on ait à se mettre sous la dent en ce moment. Donc ça, c'est magnifique. Mais c'est ce que rêve de faire Elon Musk. Hein. Il le dit clairement que c'est la seule planète sur laquelle on peut éventuellement continuer. Ça va être compliqué, je pense, mais d'y vivre, hein, j'entends. Oui. Mais c'est une... ce regard vers l'extérieur me paraît absolument nécessaire. Ouais, donc ça s'appelle Bug et c'est le deuxième tome qui va sortir demain. On reste ensemble. Dans un instant, on parle aussi de votre ouvrage Les robots et le mal, Alexis Greenbaum. Du dernier album de Beyrouth. Il n'y a aucune chance que ça tienne. Je ne peux plus rien faire. Je vous avais prévenu. Vous n'avez plus que environ 30% de votre métabolisme d'origine. Tout le reste, vous l'avez modifié ou remplacé. J'ai un contrat avec Eugenix. Ça, j'avais compris. Allez voir ce collègue de ma part. Les ratages de la nanochirurgie, c'est sa spécialité. Ne tardez pas trop. Merci, docteur. La tête au carré. Voilà, Immortel, Enki Bilal, ce film de 2004. On est déjà sur les thèmes qu'on évoque, oui, là, aujourd'hui, le ensemble. Génisme, hein. Le génisme, ouais. Le transhumanisme, la nanochirurgie. Corps, ouais, absolument, essayer de l'équiper. Alors, le cerveau, on va commencer à rendre le cerveau plus opérant, va faire des greffes. Il y a eu récemment, ça m'a amusé, j'ai vu ça dans Le Monde, un portrait d'un Anglais, d'un Britannique, londonien, qui s'était fait greffer une espèce d'application, une boussole, qui lui indiquait en permanence où était le nord. C'est-à-dire, dès que son corps était orienté vers le nord, il recevait une décharge électrique. Ouais. Et il disait que ça a changé la vie, puisqu'il avait une espèce d'assurance, tout d'un coup, de sa position sociale. Oula. C'était très étrange. C'est un peu obsessionnel, quand même. Ça a commencé à marcher, ouais. il vendait. Vous avez entendu parler de ça, Alex? Non, je n'ai pas entendu parler de cette histoire-là, mais un corps augmenté, c'est, sans doute, ça change aussi notre perception du monde. Vous pouvez voir à la fois dans la lumière visible et la lumière infrarouge, par exemple, avec une petite caméra, comment est-ce que ça va changer votre perception? Vous serez un peu comme les abeilles ou les chats, un tout petit peu peut-être. Alexei Greenbaum avec ce livre Les robots et le mal chez Desclés de Brouwer. Enki Bilal dit souvent que ça y est, c'est fini la science-fiction, nous y sommes déjà, tous ces outils, ces changements technologiques qui nous entourent signent justement l'entrée dans une nouvelle ère qui fait que tout ce qu'on a imaginé, on est précisément en train de le vivre aujourd'hui. Vous partagez ce sentiment là? Je pense que nous y sommes depuis un moment. Ouais. La science-fiction est un outil essentiel pour penser ce que nous vivons dans le monde technologique. La science-fiction, c'est pas pour demain, c'est pour penser ce que nous sommes aujourd'hui et les choses qui nous entourent, ces objets qui calculent, qui sont autonomes, qui prennent des décisions et qui ne sont pas des agents moraux. Voilà, au point de les appeler des individus numériques, c'est ça ? Oui. Ça donne un statut à l'objet qui est complètement différent quand justement, même. Justement, et pas celui de la personne, parce que ce ne sont pas des personnes, mais ils sont autonomes et il y a la frontière de l'opacité, c'est-à-dire l'utilisateur ne voit pas au-delà de l'interface. Il peut toucher là et ça sort là et ça fait quelque chose, c'est fonctionnel. Donc ces individus qui ne sont pas des personnes sont fonctionnels, ne sont pas comme des hommes libres, ne définissent pas leur propre finalité. Et comment penser une éthique des individus fonctionnels ? Je me suis posé cette question, je me suis dit, oh là là, il ne faut sans doute pas projeter notre éthique des personnes libres sur ces individus fonctionnels, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Une voiture autonome, c'est un individu numérique, par exemple ? Oui, enfin, je pense que avec son intelligence artificielle embarquée, ce terme d'individu numérique, cette notion que je propose, on peut l'appliquer à un smartphone, à une voiture autonome, même à une certaine application que vous utilisez souvent. Oui. Donc, ces frontières sont définies pas seulement dans l'espace physique, mais aussi dans l'espace, dans les réseaux, enfin, dans l'espace de l'information. Et penser la voiture autonome ou juste une petite application par rapport aux effets que cela produit, ça revient toujours à se demander ces individus qui font des choses, comment est-ce qu'on les juge ? Et quelle est leur responsabilité aussi dans les actes ? C'est l'exemple justement de l'année dernière avec cet accident, premier accident très marquant en tout cas avec une voiture autonome, ça s'est passé aux États-Unis. C'est une vidéo d'une quinzaine de secondes. Une voiture autonome Uber lancée sur une route de nuit en Arizona. La conductrice ne touche pas aux commandes, mais quand surgit une femme en train de pousser un vélo, le véhicule ne freine pas et la renverse. La victime décède quelques heures plus tard. Ces images ont été diffusées par la police locale en mars dernier. Jusqu'ici, on pensait que l'accident était dû à un défaut de vision du véhicule. En réalité, la voiture a choisi de ne pas éviter la collision. Explication. Pour voir les obstacles, une voiture autonome est équipée d'une caméra, d'un ordinateur et de multiples radars. Mais pour ne pas freiner en permanence, le logiciel du véhicule est programmé pour passer à travers les faux obstacles sans danger. Par exemple, une pluie de feuilles. Ici, c'est ce logiciel qui était mal réglé. Alexei Greenbaum, le choix de la voiture. Alors ça, c'est vraiment un cas de figure auquel maintenant nous sommes confrontés, qui est totalement nouveau d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité finalement, ce dilemme-là de la machine. Complètement. Les contextes technologiques sont inédits. On n'a jamais vécu ces contextes-là et pour autant, il ne faut pas chercher une éthique inédite et nouvelle parce qu'on ne trouvera jamais. Est-ce que ça fait partie des utilisations potentiellement malveillantes de l'intelligence artificielle, cet exemple-là qu'on vient d'entendre ? Alors sans doute, oui. Il y a tout un tas d'exemples qu'on peut adjoindre à celui-là. On peut dire un robot peut vous casser le bras parce qu'il ne sait pas exactement quelles sont les limites de l'action physique, mécanique sur le corps humain. Un agent conversationnel, un chatbot peut vous injurier, utiliser un mot qui ne se prononce pas à l'antenne. Il y a tout un tas de conflits qui peuvent surgir comme ça. Ouais. Et les armes autonomes, ça c'est quelque chose aussi dont on parle peu, qui pose un vrai problème. On est en train d'essayer de savoir quelle éthique appliquer à quel niveau. Et est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que là, ça va être le hasard ? Vous allez parler de hasard, j'imagine. Ouais. C'est au cœur du livre aussi. Et ça, c'est là, on n'est pas dans une voiture qui, il y a une pauvre dame qui a été. Mais vous imaginez précisément un terroriste ou un mouvement radical qui utilise, détourne des armes comme ça, qui les reprogramme. Non, je n'imagine pas pour le jour où nous sommes qu'un drone ou qu'une arme autonome puisse tirer toute seule. Ah bon? Non. Et pourquoi? Je pense que c'est pas par hasard que ça ne s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça pose des problèmes d'ordre simplement technologique? Ça pose des problèmes de responsabilité assez incroyables. Même dans le domaine militaire, où effectivement, les problèmes de responsabilité ne sont pas comme dans le civil. Donc, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera un jour. Mais c'est une image utile pour penser la technique. Ouais. C'est tout à fait utile pour réfléchir et pour penser, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on y arrivera. Ouais. Benoît dit, quand se décidera-t-on à comprendre que les intelligences artificielles sont des machines utilisées par des êtres humains humains et non des systèmes doués d'autonomie. Deep Blue n'a pas vaincu Kasparov, c'est une équipe d'informaticiens qui l'a vaincu à l'aide de Deep Blue, justement. Vous êtes content, vous souriez, Alexei Grimbaum. Oui, tout à l'heure, on a dit on peut tomber amoureux d'un robot tout en sachant que c'est un robot. Et donc, même si vous savez que c'est une machine et c'est fait de métal et de quelques transistors, vous allez quand même avoir des émotions, une relation, vous allez vous mettre en relation émotionnelle et affective avec cette machine, et son statut ne dépend absolument pas de votre connaissance que c'est une machine, son statut va émerger de cette interaction. Et donc vous allez projeter sur la machine les émotions, les qualités et aussi les jugements moraux. Ouais. Et alors justement le hasard dans tout ça, parce que ça c'est une proposition que vous faites finalement, c'est de proposer le hasard comme une solution à ces dilemmes qui vont se multiplier à l'avenir avec la présence de ces machines. Je vais illustrer ça avec un exemple. Il y a quelques mois, un logiciel qui prolonge pour vous les phrases. Vous savez que vous commencez à taper une phrase sur Internet et automatiquement la machine vous propose de la finir pour vous là. Ouais. Ce logiciel, à un moment, les concepteurs de ce logiciel se sont dit « Ah, quelle horreur ! Les pronoms personnels genrés, il ou elle, ne sortent pas correctement. Parfois, il y a des erreurs. Oh, problème de genre. Que peut-on faire ? Bah, on va supprimer simplement tout ça. Donc, notre logiciel ne dira plus jamais il ou elle. Il fait comme s'il parlait notre langue naturelle à nous, mais en fait, ça n'est pas complètement notre langue. Donc, il devient plus inhumain. On a jeté à la poubelle tout un pan de langage naturel. Et moi, je dis, quand la machine détecte un conflit dans lequel est impliqué un utilisateur, un conflit éthique, donc la machine doit déjà le détecter. C'est une tâche en soi qui est très compliquée. Oui. La machine, pour se soustraire au jugement éthique, pour ne pas être conduite à la déchetterie, pour ne pas être jetée à la poubelle, pour ne pas être désactivée, doit choisir au hasard ses pronoms personnels, comme dans cet exemple-là. Donc, elle doit dire à l'utilisateur il ou elle, je l'ai mis ici au hasard. Ça n'était pas un choix calculé, c'était au hasard. Et donc, cela permet à la machine de ne pas prendre notre place, la place de l'homme dans l'action morale, dans le jugement moral. Oui, sauf que si vous êtes dans une voiture complètement autonome, vous êtes passager de cette voiture et évidemment, un groupe d'enfants va traverser la rue et que vous dites, c'est la voiture qui va décider au hasard d'écraser ou non ses enfants ou de sauver ma vie. Là, vous n'allez pas être d'accord avec cette notion de hasard. Parce que nous, les hommes, nous pensons toujours avec les récits qu'on se raconte après. Après l'accident, on sait que oui, il avait un groupe d'enfants et à côté, il avait une personne âgée et puis on fait le calcul après coup. Mais en situation, la voiture ne sait rien de ça, elle a quelques données. Et la question, c'est comment faire en situation quand le récit n'est pas encore constitué. La vérité, y compris le jugement vrai, il sera connu après, il sera propagé sur le passé comme s'il a toujours été vrai. Mais ce n'est pas correct pour la voiture qui est là au moment donné. Et Kimila, vous avez plein de matière pour les prochains albums. Oui, bien sûr. Non, mais je trouve ce livre passionnant, très très érudit. C'est faut s'accrocher, mais c'est super. On est d'accord. Je pense à HAL 2000. Est-ce que vous vous souvenez de HAL 2000, l'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace? Ah ouais, bien sûr. Bah lui, il a choisi d'éliminer les humains. Il n'a pas réussi. Il a réussi à en éliminer un, mais l'autre a réussi, lui, à le désactiver. Mais c'est assez amusant de voir que l'idée que le robot peut surpasser l'humain. Alors je vous pose la question, ça c'est de la science-fiction réellement, mais est-ce possible? Alors une chose qui n'est pas possible pour moi, c'est que le robot se donne ses propres finalités ou la machine se donne ses propres finalités. C'est toujours le programmeur, le concepteur, c'est ce que disait l'auditeur tout à l'heure. Le programmeur définit la finalité, mais le robot, le bug, sur le chemin vers la finalité donnée, peut-il avoir des effets secondaires? Peut-il au passage faire des choses pas du tout agréable, mais bien sûr qu'il peut le faire. Bien sûr qu'il peut le faire. Paul demande, la surveillance sera-t-elle généralisée comme en Chine? Les individus seront-ils fichés sans que nous ne réagissions? Notés, carrément notés. Notés, et puis peut-être qu'ils ne pourront pas aller voir leur famille s'ils ne sont pas bien notés. Alors, moi, je distingue deux choses là. D'un côté, la réaction de notre société occidentale à ce classement social en Chine, et puis à toutes les conséquences. Je pense que pour la première fois, nous ici, dans les pays occidentaux, nous voyons émerger une société qui n'est pas du tout faite d'individus autonomes à notre image. C'est pas du tout comme l'idéal des Lumières, l'idéal de Rousseau. C'est autre chose, c'est une autre société, une autre manière de vivre ensemble. Et de l'autre côté, ce qui me fascine aussi, c'est que cette interrogation n'existe pas en Chine. Oui. je ne la vois pas du tout dans la société sur chinoise. Sur la notation sociale, par exemple, il n'y a pas de remise en cause du principe. Non, je ne la vois pas, cette remise en cause, dans la société chinoise. Ouais. Et ça, ça me fascine. Comment peut-on comprendre ces gens? Comment peut-on comprendre leur manière de vivre ensemble? Non pas avec nos schèmes, qui, évidemment, nous informent, nous, ici, dans les pays occidentaux, mais comment peut-on comprendre leur manière à eux de construire cette société-là? Et ça, c'est pas du tout facile, vous savez. Mais vous discutez avec des confrères chinois, j'imagine. Oui, je discute beaucoup. Ils me disent, écoutez, nous discutons aussi de tous ces problèmes, mais en chinois, et vous ne comprenez pas. Bon, d'accord, je ne comprends pas leur langue. D'accord, mais à la différence des Russes qui se sont rués sur l'économie de marché à la chute du mur, les Chinois ont mis beaucoup de temps. Ils ont pris le temps. Ils avaient leur façon de gérer leur passé, leur culture. Mao, des décennies de communisme. Tout à fait. Mais pourtant, en Russie aussi, il y a beaucoup d'algorithmes, par exemple, de reconnaissance automatique des visages. La vie privée en Russie n'est pas du tout un grand problème de société comme en France aujourd'hui. Donc là, la Russie, c'est encore plus proche que la Chine, on penserait. Mais non, la vie privée n'intéresse pas grand monde en Russie. En tout cas, il y a matière à réflexion sur plein de choses. Vous avez travaillé beaucoup avec des scientifiques, Enki Bilal. Vous avez rencontré certains d'entre eux. Pas vraiment, non, pas vraiment. Mais j'ai lu, lu en diagonale, et j'ai pris la liberté d'interpréter à ma manière. Bon, eh bien, en tout cas, c'est très réussi, et c'est le deuxième tome qui va sortir demain, donc de Bug, Enki Bilal chez Casterman, et puis Alexei Greenbaum. Il y a ce livre, Les robots et le mal, qui est paru chez Des Clés de Brouwer. Je prononce bien le nom de votre éditrice. Et puis également Intelligence artificielle, ça, c'est chez Flammarion, des discussions avec tout un tas de scientifiques. Et vous, Enki Bilal, c'était sorti avec France Inter chez Flammarion, chez Champ Actuel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans la Tête au Carré. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Notre docteur ultra connecté. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. On reparle d'hyperactivité aujourd'hui avec vous. Et oui Mathieu, vous savez que c'est un de mes sujets fétiches, notamment parce qu'il me concerne directement. Lorsque l'hyperactivité est associée à une difficulté de concentration, on parle de TDAH. Alors le T c'est pour trouble, le D et le A c'est pour déficit de l'attention et le H pour hyperactivité. Ce TDAH, bien connu chez l'enfant, persiste souvent à l'âge adulte et perturbe les relations sociales ou conjugales et puis la vie professionnelle en entreprise aussi. Bon, est-ce qu'il y a du nouveau sur le front de l'hyperactivité? Ouais, le nouveau c'est sur le T, c'est-à-dire sur le mot trouble. Beaucoup de neuroscientifiques considèrent encore le TDAH comme une anomalie du développement cérébral, ce qui l'apparenterait à une maladie neurologique. Le fait que le TDAH soit plus fréquent chez les enfants nés prématurés soutient d'ailleurs cette théorie. Mais d'autres chercheurs considèrent qu'il s'agit d'une des nombreuses variantes qui font la richesse de la psychologie humaine et que le TDAH n'est pas plus un trouble neurologique que le fait d'être gouché, timide ou pas doué pour les maths. Or, deux publications récentes éclairent ce débat. La première passe en revue les données scientifiques qui fondent l'hypothèse d'un trouble du développement cérébral. Et alors ? Eh bien, la synthèse des données disponibles ne confirme pas l'hypothèse d'un trouble du développement. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, le TDAH n'est pas une maladie du cerveau. Pour les auteurs de cette synthèse, les quelques études qui prétendaient le contraire présentent des biais qui peuvent expliquer leurs résultats discordants. Et l'autre article, Dominique ? Et là, il aborde le TDAH non pas comme un simple handicap scolaire ou social, mais comme un atout potentiel pour la création ou l'innovation. L'auteur, Holly White, chercheuse en psychologie de l'Université du Michigan, décrit ses expériences qui démontrent que le cerveau du TDAH présente des caractéristiques spécifiques et intéressantes. Ah, lesquelles donc ? Eh bien, d'abord la pensée divergente. C'est une réflexion déstructurée qui part dans tous les sens, en fait. Le cerveau du TDAH est une réunion de remue-ménage à lui tout seul. Face à un problème, pendant que d'autres réfléchissent à la solution la plus logique, le ou la TDAH en a inventé une quinzaine, y compris les plus farfelues. Mais l'une d'elles sera peut-être géniale. Le TDAH est moins performant pour trouver une solution correcte, mais c'est le champion des solutions disruptives. Alors, deuxième atout du TDAH pour Lee White, l'expansion conceptuelle, c'est-à-dire la capacité à penser en dehors de la boîte. Notre imagination est trop souvent bridée par notre tendance à nous appuyer sur ce que nous savons déjà. Le TDAH n'en a cure et aucune limite n'entrave sa réflexion créative. Alors attention, je ne suis pas en train de prétendre que les TDAH sont tous des génies. Prenez un abruti avec les caractéristiques que je viens de décrire et vous obtenez... Quand ça ose tout. c'est même à ça qu'on les reconnaît. Exactement. Célèbre réplique des tontons flingueurs. Absolument. Voilà, hein. Alors, en revanche, un TDAH très intelligent pourra devenir un Steve Jobs ou un Albert Einstein s'il parvient à franchir l'épreuve de la scolarité classique, puis de l'université, qui s'évertue à réprimer cette pensée atypique. Ah, si nous avions plus de TDAH parmi nos chercheurs, on aurait sans doute plus de trouveurs. Merci beaucoup, Dominique. Je vois que vous inspirez beaucoup Alexei Greenbaum avec votre chronique. Ouais, je pense que les gens qui ne sont pas comme les autres, ces enfants, il faut vraiment les amener vers la science. C'est parmi les mathématiciens, on en a besoin. Absolument. Merci beaucoup. Chronique à réécouter sur franceinter.fr.